Le phare trembla de la base au sommet. J'entendis le vieux qui gueulait mon nom là-haut. La cage qui se brise, que je m'écriais. Nous sommes foutus. Un tour du monde des phares, ultime épisode, le phare fantastique. Le navire était entouré d'un épais brouillard qui s'étirait sur l'eau. Quelle saleté de temps! De quoi grisonner avant l'âge? Par à bâbord! Tenez, vous entendez? C'est ce qu'on appelle une bouée à cloche. Et aussitôt, le pilote a modifié sa route. Ramenez la barre. Gardez le cap. Cap gardé. Un autre bateau s'approche. Il s'agit d'un navire plus important cette fois-ci. Il n'a pas l'air de nous entendre. Le vent souffle dans le sens opposé. Il ne change pas de cap, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas dans sa voie, bon sang. Ils s'en sont aperçus aussi. La cloche! Stoppez les machines! Machines stoppées! En avant tout! En avant tout! La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Pour cet épisode, je le crains, final. Cap gardé, grâce à Vincent Guignot, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Auteur de multiples livres sur le phare, un tour du monde en 80 phares, c'est le dernier chez EPO. Ah, que n'y a-t-il dans cette adaptation de Jack London? Un phare au milieu de la brume. Oui, ce qui ne sert pas à grand-chose. Comment ça? Bah, la brume est vraiment l'ennemi de la lumière, puisque quelle que soit la puissance lumineuse de votre phare, dès que la brume tombe, ben vous allez voir un halo de lumière à quelques centaines de mètres, mais pas plus. On a réalisé à la fin du 19e siècle qu'augmenter la puissance n'y faisait rien. Et c'est pour ça qu'on a trouvé des subterfuges, comme ces signaux sonores, les cornes de brume, qui préviennent le marin que le danger est imminent. Oui, ben, vous êtes un homme de calcul, vous l'avez prouvé depuis le début de la semaine. Maintenant, on va entrer dans le rêve. À partir de quand le phare a-t-il été un lieu de fiction? Je pense qu'on peut faire remonter la fiction dans les phares à une nouvelle inachevée d'Edgar Poe, qui s'appelle Le Phare, The Lighthouse, donc qu'on a retrouvé, qu'on aurait retrouvé sur sa table de travail à sa mort. C'est une nouvelle inachevée qui se présente sous la forme d'un journal, le journal du gardien. Alors ça, c'est intéressant parce que on va voir que dans de nombreuses fictions, les écritures du gardien, qui étaient obligatoires, hein, le gardien tenait un livre de bord où il consignait les événements dans son phare, ce livre de bord est souvent la matrice de la fiction. Oui, régulièrement, les écrits laissés par les gardiens sont lus par les ingénieurs. Mais quand le phare devient un lieu de fiction, la mer redevient peuplée de monstres, comme toute la littérature des contes et légendes le disait. Oui, le phare va prendre sa place dans les mythologies maritimes, ou plutôt les mythes maritimes vont s'inviter dans les phares. On va utiliser toutes ces histoires de monstres marins, de fantômes qui sortent de la brume. Le phare, qui est un nombre, comme disait Victor Hugo, quelque chose de précis, quelque chose de mathématique, va effectivement entrer dans l'ordre de l'imaginaire marin, peuplé de monstres, de sirènes et de personnages tous plus dangereux les uns que les autres. Comme vous semblez ne pas y croire, je mets sur la table un texte relativement récent, puisqu'il s'agit d'un texte de Ray Bradbury, l'auteur de Fahrenheit 51, et puis aussi des pommes d'or du soleil. Un jeune homme se fait enseigner la vérité par le vieux gardien-chef. Magden a éteint l'éclairage de la pièce pour qu'il n'y ait pas de reflet dans l'optique du phare. Le grand œil lumineux bourdonnait, tournant sans effort sur sa base bien huilée. La corne de brume mugissait régulièrement toutes les 15 secondes. On dirait une bête, tu trouves pas ? McDonough opinait pour lui-même. Une grosse bête qui hurle toute seule dans la nuit, au bord d'un gouffre d'éternité, et qui lance son cri en direction des profondeurs de la mer. « Je suis là, je suis là, je suis là. » Et là, en bas, on lui répond « Tu peux me croire. » Ça fait 3 mois que t'es là, Johnny. Alors j'aime autant te prévenir. Vers cette époque de l'année, a-t-il ajouté en scrutant les ténèbres et le brouillard, il y a quelque chose qui vient rendre visite au phare. Nous étions là, tous les deux, seuls, au sommet de la tour du phare. Et voilà que devant nous, assez loin encore, il y a eu un remous suivi d'une vague, et quelque chose s'est élevé dans un bouillonnement d'écume. Tout à coup, crevant les eaux glacées, une tête est apparue, une grosse tête sombre avec des yeux immenses, puis un cou. Puis non pas un corps, mais le cou, encore et toujours, interminable. La tête se dressait à présent à 40 pieds au-dessus des eaux, surmontant un cou gracile de couleur sombre, magnifique. C'est pas possible, il devrait pas être là. Non, Johnny, c'est nous qui ne devrions pas être là. Ben oui, parce que la bête, elle est là depuis la nuit des temps, et le phare, même s'il a coûté 5 ans, 10 ans, 15 ans de construction sur son rocher, est là depuis peu. Oui, dans ce récit ou dans d'autres où des monstres marins viennent frapper à la porte des gardiens, il y a toujours cette idée que de cette présence incongrue des hommes et du phare dans ces contrées maritimes. Donc on voit que Bradbury joue sur cette présence inopportune des hommes qui dérange les monstres marins pour inventer cette fiction. Les techniciens manquent de mémoire. Les techniciens du surf, par exemple, qui fréquentent la baie des Trépassés, ils ne se souviennent pas des naufragés. Le nom de baie des Trépassés vient de là. Anatole Le Braz se rend depuis la côte costa-armoricaine qu'il habite à la fin du 19e siècle, haute époque pour la littérature de fiction concernant les phares, à la baie des Trépassés et à l'île de Sein. Et il en rapporte le gardien du feu. Oui, c'est là un des grands textes de la fiction phare. Là aussi, le récit commence par l'ingénieur qui découvre dans le cahier de veille le récit terrible de la mort d'un gardien et d'une femme. Alors, on peut présenter le début. Voici mon ingénieur, écrit le gardien, Goulven Dennes, à... celui qui vous a précédé dans les postes des ponts et chaussées. Et le dossier contient des feuilles quadrillées, des tableaux, et puis de l'autre côté, au revers, de sa grosse et solide écriture de paysan du Léon, Goulven Dennes raconte « Mon ingénieur, voilà ce qui s'est passé ». Oui, on joue sur ce registre toujours, où là, le côté pile, c'est le côté rationnel, le côté gestion quotidienne du phare, et le côté face, le verso, raconte cette histoire. C'est une confession, en fait, hein, puisqu'on a découvert au phare que le phare était éteint, on a trouvé 2 cadavres, donc un homme et une femme, et Goulven Dennes raconte comment il a pris conscience ou cru prendre conscience de la trahison de sa femme, Adèle, qu'il avait ramenée du Trégor, qui l'aurait trompé avec son gardien, le gardien avec qui il partage la veille. Donc c'était lui le gardien-chef, et la chefesse, c'est le nom qu'on donne à Adèle, couchait avec Loarn, le second du phare. Voilà. Et c'est. Et alors, il a l'idée, Goulven Dennes, contournant le règlement, de dire à sa femme, autrefois, quand tu m'aimais, tu voulais me rejoindre au phare, mais je t'offre de venir clandestinement. Et elle vient clandestinement, chantant d'ailleurs sur la barque. Oui, les règlements, comme d'ailleurs dans les bateaux, interdisent strictement la présence des femmes dans les phares en mer, ce qui n'est pas le cas des phares à terre où là les familles cohabitent. Là, la tension est aussi renforcée par le village dans lequel vivent les femmes et les gardiens qui ne sont pas de service, lieu de toutes les rumeurs qui sont entretenues contre cette étrangère, puisque Adèle, la Trégoroise... Elle vient du Trégor, c'est du Trégor, déjà un défaut. Voilà, nul n'est parfait. Et donc ce village est le lieu de toutes ces rumeurs, puisque les femmes, par principe, ne cohabitent pas avec leur mari au phare. Et Adèle est invitée à dîner par son époux, qui la laisse avec Louarn, le second, dans l'appartement de l'ingénieur. Et là, il referme la porte à clé. Et il les laisse mourir de faim. C'est... Oui, c'est les histoires dans les phares, c'est un peu le lieu de toutes les névroses et de toutes les paranoïas, hein, les phares de fiction. Comme on l'a dit, le phare est un lieu de régularité où les gardiens suivent scrupuleusement des instructions pour que le phare fonctionne. Et quand ça dérape gravement. Mais alors, juste quand même, parce qu'il faut raconter l'histoire jusqu'au bout, déflorons-la, ils sont enfermés, ils meurent. Une odeur épouvantable se répand dans le phare, mais vous avez dit qu'on avait retrouvé le cadavre d'un homme et d'une femme, passablement décomposés, mais Goulven, qu'est-ce qu'il est devenu, après avoir écrit à l'ingénieur, mon ingénieur, voilà ce qui s'est passé. Bah, il s'est suicidé, oui. Il s'est jeté du phare, bien sûr. C'est souvent la fin tragique du meurtrier qui, pris de remords, se suicide en laissant mourir de faim les autres comparses. Oui. S'il est un phare littéraire dans ces années-là, nous sommes toujours en 1899-1900 et chez Rachild. Rachild, c'est la femme de Valette, le directeur du Mercure de France, une grande animatrice de la vie littéraire parisienne. S'il est un phare littéraire, c'est Armène. Oui, on est toujours dans ce tour de 1900. Armène est un phare qui s'est fait connaître par des faits divers, par la submersion de l'île de Sein à la fin du 19e. Donc la grande presse raconte les relèves, la difficulté de la vie dans ces phares. Donc on peut imaginer que Rachild a eu vent d'Armène dans la presse. Et puis après, plusieurs Henri Kefelec va y situer de nombreux romans du côté de l'île de Sein. Puis Jean-Pierre Abraham qui va écrire ce merveilleux texte qui s'appelle Armène. Alors, Armène est un phare très littéraire. Abraham, c'est un style ascétique. Rachild, c'est un style débridé. Soit Barnabas, le vieux gardien. Et un Jean homme Malleux. Bête. Un homme bête, non? Un homme très d'union, bête. Un homme bête, oui, qui se régresse dans son humanité, qui accueille Jean Malleux, un jeune. Il y a toujours le jeune et l'ancien, comme dans le film d'Epstein, la transmission des savoirs, et là, en l'occurrence, la transmission d'une certaine bestialité. Alors, il est intrigué, le jeune Jean Malleux, par des placards fermés à chaque étage, et il décide de s'agripper à la passerelle extérieure, de dérouler un filin, et d'essayer de voir de l'extérieur par une meurtrière ébréchée ce qui se dissimule dans ces placards. Jamais. Non, jamais je n'avais tant remué d'idées saugrenues. Un placard fermé dans ma maison, quel beau mystère. Du haut en bas de la spirale, on comptait 6 placards pareils, tous aussi mystérieusement clos. Maintenant, si je ne devais pas les ouvrir du côté de l'escalier, rien ne m'empêchait d'aller voir du côté du dehors. Le phare était tout hérissé de crampons de fer, et pour peu qu'on possède des pieds habitués aux enfléchures, on se promène le long d'une muraille facilement. Bien arrimé par une corde qui me ceinturait, je descendis d'échelon en échelon sans tourner les yeux, car je n'étais pas fort à mon aise. Au dernier crampon qui dominait la quatrième meurtrière, je me penchai, tendant les bras pour atteindre le suivant. Bravement, je me courbai vers la fenêtre, mon front juste à la hauteur de la vitre. Alors, je poussai un cri. J'avais vu. Oui. J'avais bien vu. Derrière les 3 miroirs de verre, une autre tête que la mienne qui me regardait. Je demeurai un instant collé contre la muraille, les cheveux droits d'épouvante. Une tête de femme. Une tête de femme dans le formol. Une tête de femme dans le formol qui provient du corps d'une noyée. Oui, quand je disais que c'est des lieux de névrose, celles des gardiens de Rachild sont assez extrêmes. Dans d'autres textes, dans Pharicide de Vincent de Swart, on a aussi un gardien qui a des passions un peu bizarres à la garde des noyés. Oui. Mais les naufrages, donc, sont bénéfiques pour le gardien Barnabas. Nous n'avions plus de torches. Nous n'avions plus de pétrole. Le phare s'était éteint. Et la cage de verre fichait le camp par morceaux. Je ne voyais pas encore le navire, mais les éclairs me le montrèrent une seconde comme en pleine aurore. Un grand navire à coque sombre, tout debout, pareil à un cheval dressé sur ses jambes de derrière. Son affaire était réglée. Plus la peine de l'avertir. Il y avait belle heure qu'il cherchait sa fin, le malheureux. On n'entendait ni cloche d'alarme, ni commandement de porte-voix, ni cri de désespoir. Le grand vaisseau, un animal énorme, très têtu, voulait aller là. Ça lui faisait plaisir. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Après la lecture de Rachilde par Jacques Gamblin, un trop court extrait d'un opéra de Sir Peter Maxwell Davis. Le sujet maintenant, Vincent Guiguenot, est phare fantastique et opéra de dodécaphonique. Oui, cet opéra est vraiment d'abord très beau puisqu'on a ces trois voix d'hommes, ténors, barytons, basses qui sont les trois enquêteurs, puis les trois gardiens, qui racontent, c'est une histoire vraie qui sert de base à l'écriture du livret, la disparition de trois gardiens écossais à Éléanmore, dans les Hébrides extérieures, en 1900. Au moment de la relève, alors que le phare a été construit par un Stevenson, évidemment, depuis peu, le bateau arrive, et là, le phare est vide, les trois gardiens ont disparu. Alors l'enquête officielle va conclure à une noyade par une vague scélérate. Mais évidemment, toutes les hypothèses ont après été envisagées en allant fouiller dans le passé des gardiens, dans leurs histoires personnelles, en se demandant si l'un d'entre eux n'avait pas noyé les deux autres et se serait suicidé, comme dans la nouvelle d'Anatole Lebras, qui est quasiment contemporaine de ce fait divers. Donc l'opéra raconte à la fois l'enquête, les hommes qui arrivent, et puis après imagine, et là aussi, que les gardiens, en fait, sont agressés par un monstre. Là, on mélange, on voit plusieurs récits qui se mêlent, à la fois ce fait divers, et puis ce que Bradbury utilisera quelques décennies plus tard, c'est-à-dire la présence d'animaux maléfiques autour des phares. L'au-delà du Finistère, les Hébrides extérieures, je propose qu'on aille plus loin maintenant, vers le bout du monde. J'ai survolé la Patagonie et je me suis posé dans deux ou trois de ses centres essentiels, et c'est une des expériences qui me reste le mieux dans la mémoire, parce que c'est un autre monde. C'est vraiment plus le monde ni de la jungle, ni de la forêt, ni de la montagne. C'est une immense lande érodée avec une végétation rare, mais paraît-il très succulente et très nourricière pour les immenses troupeaux de moutons qui se promènent là en liberté. Mais le spectacle le plus étonnant, c'est la Terre de Feu elle-même. Et c'est le Cap Horn avec son phare isolé qui, depuis des siècles et des siècles, a guidé les navigateurs. On se souvient forcément de Magellan et de toutes les caravelles, de tous les voiliers qui ont passé par là. Voir ce phare par une nuit sombre, c'est apercevoir Dieu comme il arrive à peu d'hommes de le faire. Et le diable lui-même ne pourra pas l'éteindre tant que j'aurai un souffle de vie. Notre travail n'est pas un travail banal, monsieur Denton. Et le phare que nous gardons n'est pas non plus un phare banal. Non, je sais, c'est un phare à brûleur multiple, fonctionnant à l'huile avec système spécial dioptrique et avec... Arrêtez, ça suffit, monsieur Denton. Toujours l'ingénieur et le gardien. Alors nous étions avec Joseph Kessel en Patagonie, en Magellanie. Et au bout de ces terres, au Chili, le Cap Horn, le phare du Cap Horn. Et puis au bout de la Terre de Feu, Argentine, San Juan de Salvamento, qui est le lieu du roman de Jules Verne. On entendait un extrait de l'adaptation cinématographique de ce roman. Oui, avec Kirk Douglas dans le rôle de Vasquez, le gardien-chef, hein, qui se fait expulser de son phare par des brigands et qui essaie de le reconquérir pour éviter que des malfrats contrôlant un phare puissent provoquer des naufrages. Alors c'est vraiment oui le bout du monde et aussi le bout du monde de la littérature des phares. C'est Jules Verne publie non pas un mais deux romans phares, le phare du bout du monde dont on a entendu un extrait. Posthume 1905. Voilà, et l'autre qui s'appelle En Magellanie, qui a été publié au départ sous le titre Des naufragés du Jonathan, où là aussi une communauté construit un phare. Alors ce qui est intéressant, c'est alors Jules Verne n'a jamais navigué jusqu'au bout du monde, jusqu'à la Patagonie. Il a utilisé des journaux de bord, de bateaux. On commence à cette époque à utiliser cette zone comme escale vers l'Antarctique. Et on sait en particulier qu'il avait lu Les Aventures de la Belgica, un bateau d'exploration. Et dans la presse, on rend compte de la construction sur l'île des États de ce phare qui est très modeste. Hein, C'est une simple cabane qui émet une lumière, donc qui n'a rien à voir avec la description grandiose qui est faite de phares à mèches multiples. Ça, c'est Jules Verne, ça, il l'a trouvé dans les traités d'ingénieurs. Donc, il a mélangé, là aussi, des sources techniques savantes, un lieu qu'il ne connaît pas, mais dont on parle dans les journaux, et puis une intrigue qui est assez classique, finalement, des gardiens qui sont investis dans cette mission quasi sacrée, et qui est menacé soit alors là par des hommes, non pas par des monstres, encore que ces hommes sont assez monstrueux dans leurs actions, et il faut rétablir le feu pour rétablir une sorte d'harmonie dans le monde. La fonction sacerdotale du gardien de phare dans une cathédrale, sauf que c'est pas du tout une cathédrale, c'est une cabane qui d'ailleurs est laissée à l'abandon assez rapidement. Et on en retrouve un peu par hasard les vestiges en 1992 et on a reconstruit le phare du bout du monde avec même une réplique à La Rochelle. Oui, c'est un phare qui n'avait pas une fonction maritime imminente, hein, ce phare de l'île des États. C'était plutôt pour les Argentins une manière de signaler leur présence. Hein. Quand on veut occuper une île, on y met un pénitencier, un phare, parfois les deux. Mais cette fonction de phare étant assez mineure, le phare n'avait pas été entretenu. Et c'est une association de La Rochelle qui, dans un geste littéraire presque, a été reconstruire ce phare au bout du monde. Sous l'animation d'un monsieur qu'on avait surnommé Yule. Oui, parce qu'il y a Yul Brunner, bien sûr, dans le film. Donc, voilà, c'est le surnom du responsable de cette association qui a reconstruit le phare du bout du monde et en a construit une réplique au large de La Rochelle, près du port des Minimes. Et il paraît qu'on peut y passer 24 heures, du moins quand on est inscrit dans l'association. Et c'est le point de départ, il paraît aussi, d'une résidence artistique éphémère. Le phare aide toujours à la création. Enfin, ce phare-là, il ne fait que se signaler à lui-même. Je suis le gardien de phare. C'est un livre d'Éric Faye chez Corti, le dernier qu'on signalera. Je suis le gardien du phare. Je suis le gardien du phare, le gardien de la tour d'ivoire au-delà du tourbillon des âmes depuis des années. C'est un ouvrage remarquable qui surgit de la mer. Il faut le voir les jours de grain, placide comme moi quand je monte sur le balcon supérieur auprès de la lanterne. Le phare a ceci de particulier qu'il a été bâti en haute mer. Il n'a aucun récif à signaler. Ici, la mer est profonde, rien ne menace les navires éventuels. On l'a d'ailleurs construit à l'écart des voies maritimes pour ne pas gêner la circulation des bâtiments, ne pas leur laisser penser qu'il y a péril en la mer. Il n'a d'autre objet que de se signaler lui-même, mais je l'ai dit, c'est un phare remarquable. Sa construction a coûté fort cher à cause des coffrages en eau profonde. Je suis le gardien du phare, le gardien de la tour d'ivoire depuis des années. Cela fait longtemps que le métier me le prouve. Quant à la mer, on ne lui tourne jamais le dos sans l'avoir aussi face à soi. Si je mets cette citation finale, c'est parce que ce livre d'Éric Faye, grand écrivain, à l'époque grand familier d'Ismaïl Kadaré, de la littérature des Balkans, ce texte d'Éric Faye, vous l'avez mis en exergue de votre thèse, parce que vous avez fait dans la plus haute antiquité une thèse sur les phares. Oui, j'avais donc écrit cette thèse, et puis quand on la termine, il faut trouver alors, le titre, les remerciements, les... C'était quoi le titre ? Au service des phares. Ouais, c'est aux presses universitaires de Rennes. Oui. Ça rend cette émission plus sérieuse. Et donc, faisant une thèse sur les phares, je n'échappais pas à tout ce qui comportait ce mot, que ce soit des livres, des romans. J'écoutais en boucle Le phare de Jan Tiersen. Et puis, je découvre ce texte d'Éric Fay, qui est très inspirant pour un historien, parce que on voit que le gardien, un matin, réalise que son phare n'est plus sur les cartes. Et donc, il se demande ce qu'il peut faire, et il se dit, je vais raconter l'histoire du phare. Mais il se retrouve embêté par la manière dont les archives se sont constituées, c'est-à-dire que les archives les plus anciennes sont tout au bas du phare, et les plus récentes sont tout en haut. Et la loi sur les archives lui interdit de lire les archives les plus récentes. Donc il ne peut pas raconter l'histoire de son phare parce qu'il est à la fois submergé d'archives et il n'a pas le droit d'accéder aux archives les plus anciennes. Et donc écrivant et étant moi-même à cette époque submergé d'archives et d'histoires phares, parce que finalement une thèse c'est jamais qu'une manière de réorganiser des histoires, j'avais trouvé le texte d'Éric Fay tout à fait inspirant et dans l'absurdité de cette situation qui est à peu près ce que ressent un thésard en phase terminale. Ça vous a aidé pour devenir historien d'avoir beaucoup navigué, et jusqu'où avez-vous navigué? Alors j'ai pas navigué jusqu'au bout du monde. Je pense que la compréhension de la navigation, des techniques, de la carte. Je pense qu'il ne faut jamais dissocier le phare des cartes, puisque c'est sur les cartes qu'il est ou qu'il n'est pas, dans le cas de la nouvelle d'Éric Fay. Le phare ne prend sens que si on s'intéresse aux techniques de navigation et aux longues nuits passées à attendre une lumière. Je ne pensais pas avoir autant besoin des phares en navigation, mais en traversant la Manche, une nuit, toute l'électronique du bateau est tombée en panne. Donc plus de GPS, retour à la case de la navigation visuelle. Et tout de suite, on a vu le phare de l'île Vierge, un éclat blanc toutes les 5 secondes. Et donc on pouvait traverser une bonne partie de la Manche en toute sécurité, parce que ce phare dont on nous disait qu'il n'était plus très utile, que c'était un vestige du passé, dans cette circonstance-là, était tout à fait précieux. En exergue de votre texte de thèse, Éric Fay, et puis continuellement, pendant que vous l'écrivez, cette musique islandaise. Toujours de nouvelles histoires, de nouveaux sons dans les phares. Et en écrivant le dernier livre, je voulais évoquer un phare en Islande qui s'appelle Akranes, où le gardien a eu cette idée d'inviter tous les groupes islandais du métal au folklore à se produire. Et il m'a parlé de ce groupe qui s'appelle Amina, donc c'est un quatuor féminin qui accompagne souvent Sigur Rós sur scène. Donc le meilleur de la musique minimaliste islandaise. Et une partie de leur album, The Lighthouse Project, a été enregistrée dans des lieux insolites, dont un phare. Donc le morceau qu'on entend est un morceau phare, au sens strict du terme. Dernier livre, c'est aux éditions EPO, un tour du monde en 80 phares, et puis je recommande, beaucoup plus discret, qu'on peut mettre dans le sac à dos, le livre que vous avez publié dans la collection Découverte chez Gallimard. Cette émission a été réalisée tout du long par Étienne Bertin, préparée par Adèle Caïto, tout du long, et Tiffany Battistel à la technique.